merveilleux. Sur le campus, à Trois-Rivières, c'est le 89.1. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. Décision de la Radio Campus de Trois-Rivières, c'est palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine du 19 au 25 janvier 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Jean-Philippe Charbonneau s'en vient d'ici la fin de l'émission. Il l'a promis avec son petit doigt. Il m'a craché dans la main. Toute l'équipe. Il va être là tantôt. Hein? Mais pour l'instant, ce n'est que moi. Pour 3 heures de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Évidemment, nos top 20 francophones et anglophones. On a aussi Palmarès in Peace pour dire au revoir aux pièces qui nous ont quittés. On a un instant classique avec les meilleurs moments d'assemblage requis. On a ailleurs dans les Palmarès pour voir ce qui se passe ailleurs dans les Palmarès. Hein? On va savoir d'ici la fin de l'émission. C'est le numéro 1 francophone. C'est toujours Le Couleur avec Concerto Rock. Du côté anglophone, est-ce que c'est toujours Century Palm et To The Ether? J'en ai aucune idée. On verra d'ici la fin de l'émission dans 3 heures. Mais commençons avec la portion New Shit, c'est-à-dire les nouvelles entrées. On va écouter les 19e et 20e places ensemble. Plus tard là-dedans, il y aura Summerland, Viet Cong et Napalm Palm. Mais commençons avec la 20e position francophone. C'est par une formation toute neuve, Stereozor. Voici Kaleidoscope. Au Palmarès, c'est fou. Sur le 89.1 FM. Bonne émission. Entrée. I went to high school with Rose and Ray. Nouvelle entrée. Kong et la pièce Silhouettes au palmarès, c'est fou, c'était vraiment très bon ça. C'est un groupe canadien ça, Viet Cong. C'est leur premier album qui sort sur leur Bandcamp, ça dit le 19-20 janvier. Dans ce coin là. 19-20 janvier, je trouve ça bon. Avant ça, ça c'était donc la nouvelle position 20 du côté anglophone. Avant ça, du côté franco, une nouvelle entrée de Stereozor et Kaleidoscope. Ça, Stereozor, c'est un groupe qui est dans le paysage musical estrien depuis 2010. Je disais tantôt que c'était tout nouveau pour nous, assez fou bien sûr, mais Stereozor, depuis 2010 en estrie, fait passer son rock garage tonitruant en mode turbo, nous disent-ils. L'album est disponible en ligne maintenant, le lancement était le 18 janvier dernier. Ça c'était donc... Attends, dans l'ordre, là, ça c'était pas la... Non, ça c'est la première qu'on a entendue depuis tout le temps. Tu vois, c'est ça, quand je suis tout seul, je suis pas ça. Donc avant... Avant Viet Cong, c'était Summerland, ce qu'on a entendu, oui, le projet solo d'Hélène Martin. Le projet né au courant de l'été 2012 avec sa première pièce Au vol, qui était le coup d'envoi pour une série de nouvelles compositions originales, est inspirée par The Raveonettes, The Naked and Famous. Et plusieurs autres, c'est un mélange d'indie électro au bagage lourd qui plane dans un ciel rose bonbon, nous dit-elle. Avant ça, c'était Napalm Palm, une nouvelle entrée, elle en 20e place anglophone. Sur l'album The Unconditional Love of Napalm Palm, leur pièce s'appelle Get With Me. Et ça, Napalm Palm, c'est du rock and roll de célébration tellement bon que même les membres du band jouent du air guitar en l'écoutant. Voilà. Et au début, c'était Stereozard dont on a parlé tantôt. Voilà, ce qu'on se comprend là-dedans, ça fait Stereozard, Napalm Palm, Summerland et Viet Cong dans l'ordre. Génial. Voilà, donc c'était les positions nouvelles en 19e et 20e place. Il nous en reste encore quelques-unes. Il nous en reste 3, mais seulement du côté anglophone. Donc on va sauter par-dessus le francophone. On en parlera plus tard. Donc en position 18, 17 et 16, plus tard, King Gizzard and the Lizard Wizard avec Cellophane. Bell and Sebastian avec Nobody's Empire. Mais débutons avec Chris Burkett sur son album Be Creative. C'est la pièce titre Be Creative tout de suite au 89 FM. C'est les palmarès, c'est fou! Wouhou! Yay! Génial! Wouhou! On s'amuse, pis tout ça, pis tout ça. Puis ça départ pas parce qu'il y a une erreur dessus, pis tout, pis tout. Fait que là, je patine pendant 3 secondes jusqu'à temps que j'ai de la place, pis après ça va commencer, pis ça va être le fun. Yeah! Yeah! Hein? Commence à perdre la voix avec ça, j'ai comme plus de voix, là. Fait que be creative, tout de suite. Sois créatif, s'il te plaît. T'es un artiste. Grand artiste. Grand artiste. Fais-moi pas une erreur sur le deuxième lecteur, là. Ok, on va attendre l'autre. L'autre t'es pas placé, évidemment. C'est de même. C'est de même quand je fais des affaires comme ça. Donc, on va entendre la prochaine position, c'est-à-dire la Bell and Sebastian avec Nobody's Empire en position numéro 17. Puis je vous promets que l'autre sera inséré d'une façon ou d'une autre. C'est fou, yeah. Reading French with the light too bright for my senses. From this hiding place, life was way too much. It was loud and rough round the edges. So I faced the wall when an old man called out of dreams that I would die there. But a sight unseen, you were pulling strings. You had a different idea. I was like a child, I was light as straw. When my father lifted me up there, he took me to a place where they checked my body. My soul was floating in thin air. I clung to the bed and I clung to the past. I clung to the welcome darkness. But at the end of the night, there's a green, green light. The quiet before the madness. There was a girl that sang like the chime of a bell, and she pulled out a rock. She touched me when I was in hell. When I was in hell. Someone sang a song and I sang along, 'cause I knew the words from my childhood. Intellect, ambition, they fell away, and they locked me up for my own good. But I didn't mind, 'cause the silence was kind. You spoke to me in whispers. There was the sound of the wind in the cold, cold dawn, and the quiet hum of a business. Let me tangle a while in this waiting room. I don't need to go, I don't need to know what you're doing. I know what you're doing.

c'était Chris Burkett et Be Creative, la pièce de son nouvel album en position numéro 18 anglophone. Sort en passant l'album I'm in Your Mind Fuzz en version avec la cire rouge et verte fluo dessus. Ça a l'air cool. Allez voir sur Bandcamp. King Gizzard and the Lizard Wizard. Attends un peu, là, je suis dans le désordre. Aujourd'hui, c'est pas ma journée pour l'ordre des choses. C'est pas ma journée. On va recommencer ça, ça va aller beaucoup mieux. Donc, on vient d'entendre King Gizzard and the Lizard Wizard avec la pièce Cellophane. Voilà. Et ça, c'est ce que je viens de dire. Ça, ça a tout bien rapport avec ça. Avant, c'était Belle and Sebastian. Qu'on a entendu un groupe de rock indépendant britannique créé par Stuart Murdoch et Stuart David en 1996. On a aussi entendu Chris Burkett, qui lui vient d'Angleterre, un ingénieur de son, producteur de musique, compositeur et parolier anglais. Lui, sa pièce était Be Creative. Voilà, tout est dans l'ordre, j'espère. On a accueilli en tout 7 nouvelles pièces, donc il faut dire au revoir à 7 autres. Voici Palmer Rest in Peace. Just mountains of change. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. Le sang de tes c'était les extraits des pièces qui ont quitté les palmarès C'est fou, l'édition du 12 au 18 janvier 2015. On a débuté avec Noem et À courir qui a duré 6 semaines. Ensuite, Enveloppé ensemble, Dolly Laroche qui a duré comme 7 semaines. Même chose pour Dead From Above 1979 et Trainwreck 1979. Même chose pour Dance All Domini avec The New Pornographers, c'est le nom du groupe. Ensuite, 6 semaines pour Rich Aquin avec Four More Years. Il aurait bien aimé ça durer 4 ans, mais non, 6 semaines, c'est tout ce qu'on pouvait lui donner. Ensuite, Dee Mannequin avec Sucker Punch qui s'est fait frapper en pleine face après son 8 semaines de présence. Et Walk the Moon s'est envolé avec Shut Up and Dance après seulement une semaine en tant que nouvelle entrée la semaine passée. Vous savez, c'est fou, c'est pas une station pop nécessairement, donc la musique pop qu'on a essayé avec Walk the Moon n'a pas super marché. Mais Shut Up and Dance a pas super marché. Un gag d'épicerie, ça. Et voilà pour Palmer Rest in Peace, on fait ça en début d'émission, plus ou moins après les nouvelles entrées dans les palmarès, c'est fou. On retourne à notre top 20 franco, top 20 anglo. On va entendre un petit bloc 3 quarts, comme j'appelle ça habituellement. C'est les positions 15 et 14, sauf qu'on va sauter par-dessus de Pacelli. Avant d'aller écouter ce bloc-là, par contre, on doit rappeler ce qu'on a sauté précédemment, ce qui n'était pas des nouvelles entrées en position 18, 17 et 16. Donc en 18e place, c'est Sego avec Maud Mars, qui est depuis 6 semaines. En 17e, c'est Le Ciel est noir des Passagers, qui est depuis 3 semaines. Et finalement, on saute aussi en 16e place, l'ancienne 15e pour Léa, avec la formation Garoche Tassacoche. Comme je disais, donc, les positions 14 et 15. Plus tard, il y aura les Marinelli ainsi que Brother Octopus. Mais on débute en position numéro 15. Ça descend d'une place. Voici Huit Clos. Et pourquoi pas moi au Palmarès C'est fou sur le 89.1 FM. Génial, pourquoi pas moi? Je te jure, bébé, j'y arriverai un jour, je vais vivre le pied au plancher. Tout le monde se souvient d'un voyage, tout le monde a su tourner la page sur la moindre impossible rencontrer Angelo. Tout le monde dit que c'est mieux comme ça, pourquoi pas moi? Tout le monde a de grandes ambitions. Tout le monde veut construire sa maison, finir sa petite vie sur une terre éloignée. Oh, tout le monde a le droit de rêver. Pourquoi pas moi? J'te jure, bébé, j'y arriverai un jour, j'vais vivre le pied au plancher. Tout le monde a des rêves, tout le monde a des enfants, tout le monde a des études, tout le monde prend soin de ses dents, tout le monde a tout compris, tout le monde a des gros seins, tout le monde a plein d'amis, personne n'a peur de rien. Pourquoi pas moi? Je te jure, bébé, j'y arriverai un jour, je vais vivre le pied au plancher. Allez, come on, Alex, déchire! Se questionner ne fait pas partie de la vraie vie. Oh, tout le monde sait ça à part moi. Pourquoi pas moi? J'te jure, bébé, j'y arriverai un jour, j'vais vivre le pied au plancher. Sur le campus, à Trois-Rivières, c'est le 89.1. de trouvailles. C'est fou, 89.1. So hard to- George Lucas would be proud. I saw Bigfoot in the yard last night, although no one believes me. He was taller than the trees last night, although Brother Octopus et Bigfoot. Pour ce numéro 14, ça monte de 4 places. C'était de nouveau la semaine passée sur l'album Sea of Champions. Avançant, 14e francophone, c'était les Marinelli et Sous la Lune qui descendent de la 5e place. Avançant, 15e anglophone, on a sauté par-dessus de Packady et Cellophane qui descendent de la 7e. Drôle parce que Cellophane, il y avait aussi une pièce nommée comme ça par King Gizzard and the Lizard Wizard dans la précédente demi-heure. Donc, quand même, deux pièces Cellophane dans le palmarès, ça arrive pas, ça. Et on a débuté avec Huit Clos et pourquoi pas moi qui allais sortir d'une place en 15e position francophone. On va faire la même chose, un autre bloc 3 quarts, c'est-à-dire qu'on va sauter par-dessus une pièce, ça va être les 13 et 12 ensemble, sauf pour The Bar Brothers. La pièce est trop longue, c'est Even the Darkness Has Arms, on doit la sauter là, depuis quand même 6 semaines. Donc plus tard, on entendra The Last International ainsi que Mauve, mais débutons avec Medora, l'ancienne 9e, maintenant en 13e, c'est Sillage tout de suite au 89 FM. C'est fou. Puis c'est les palmarès, c'est fou en plus de ça. Déjà, c'est fou, c'est cool. Nous autres, au-dessus de ça. Star, The Last International, pour ce numéro 12 anglophone. Avant ça, en franco, c'était Mauve avec Ruelle. Et en 13e place anglophone, on a sauté par-dessus The Bad Brothers et Eve of the Darkness Has Arms. Et on a écouté Medora avec Sillage qui descend de la 9e place. On saute aussi par-dessus. Ouais, c'est ça. Allez, pour ce numéro 11, du côté francophone, Machine Géante et l'effet Veuve Noire. Et en anglo, c'est Heroes Zeta avec Kintsuku Roy. Voilà pour la portion New Shit des Panoramas et Fou. On se retrouve dans quelques instants pour la portion Top 10. Restez là. Fou d'exploration sur le campus à Trois-Rivières, c'est le 89. C'est la deuxième heure des Panoramas et Fou pour la semaine du 19 au 25 janvier 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Jean-Philippe Charbonneau devrait venir d'ici la fin de l'émission. De moins en moins sûr, mais bon. On est dans la portion top 10 de l'émission, c'est-à-dire qu'on va écouter les positions 10 à 6, en plus d'avoir les meilleurs moments d'assemblage requis dans un instant classique. Ça, c'est après le deuxième bloc de la deuxième heure. Commençons avec les dixièmes. Du côté anglophone, c'est stable. Until the Ribbon Breaks. Il a extrait A Taste of Silver. Mais avant ça, il descend de 8 places. Il plonge à l'aide de son scaphandre. Voici Kepler sur C'est Fou 89 FM. Faites-vous en pas si j'hallucine, si j'écris des noms à l'encre de Chine, partout sur les murs de mes pieds à ma tête, si je deviens fou. Je vous entends, je vrille de Till the Rhythm Breaks et A Taste of Silver. C'est stable en 10e place anglophone sur l'album Until the Rhythm Breaks. Avant encore, francophone, c'était Kepler avec Scaphandre qui descend de 8 places. On est déjà rendu aux positions numéro 9, mais avant de passer au numéro 9, il faut que je vous dise que tantôt, dans quelques instants, après ce bloc-là, ça va être un instant classique avec les meilleurs moments de l'émission du matin, assemblage requis, alors soyez-y. Donc en 9e anglophone, c'est The Pretty Reckless avec Absolution qui descend de 6 places. Débutons par contre avec une pièce qui monte quand même la moitié du palmarès. Ça passe de la 19e à la 9e. C'était une nouvelle entrée la semaine passée. Voici Chocolat et méfiez-vous du Boogaloo. Au 89 FM, c'est palmarès, c'est fou. Avec deux O, là, comme dans Boogaloo. T'imagines? C'est ça, c'est fou, c'est F-O-O, ça. Peut-être dyslexique un peu. The Pretty Reckless et Absolution, ça descend de 6 places en 9e position anglophone. Avant, c'était Chocolat et Méfiez-vous du Boogaloo qui monte de 10 places. C'est bien sûr, du côté francophone. Avant, c'est les 10e places. Non, c'est, on les a portés dans ce bloc-là, c'est pas grave. Donc voilà, on va passer aux 8e places tout à l'heure avec Lubic et Coco Méliès. Mais avant de passer aux 8e, c'est le moment de retourner en arrière. La semaine passée, c'est un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 12 janvier 2015. Caravane et Saint-Raymond. Assemblage requis. Mm-hmm. Salut à tous les Raymonds du Raymond. Ça nous amène à cet effet. Ouais, je suis pas très fier. Ça va être horrible. Horrible, hein? C'est le mot qui va décrire aussi à l'émission d'aujourd'hui. Non, c'est pas vrai du tout. Mais ça va être super bon. Ben non, c'est pas parce que David Ferron est là. Moi, c'est ce que j'allais dire, David Ferron. C'est les notes salées. Salé, oh! David, salé, il boit du kombucha. Il n'y a pas de cire dedans. Moi, je trouve qu'il va à l'encontre de ses valeurs. En tout cas, il y a beaucoup de sucre, par exemple. Il est comme un acrobate. Il est à l'envers de sa chaise. Il y a quand même 9 grammes de glucides, mais il n'y a pas de mention de sel, en fait. Non, aucune, hein? Avec la réception du prix Roger Cellier du meilleur groupe par la SACEM. Toi aussi, Mathieu, tu trouves que Roger Cellier, ça sonne alcoolique. Vraiment. C'est la cave à vin de Roger Cellier. Mais en fait, c'est Roger Cellier. Cellier, puis quand tu perds, tu dis quoi? J'aurais essayé. Cellier, un autre jeu de mots. Cellier! Oh! Eh oh! On a échangé Sébastien Elgartin pour un autre gars avec une lettre dans le milieu, c'est Gabriel Béhoud. On a échangé nos chroniqueurs. Oui, cet automne à Canal Vie. À partir de quelle date on dit plus bonne année? Moi, j'ai même pas. Moi, c'est, je pense que c'est passé, là. Moi, c'est vraiment janvier. Tanné. Jamais je dis ça. Mais quand on le fait en blague, je trouve ça drôle, par exemple. Non, je suis plus capable. Vu qu'on sait, Gabriel puis moi, tu sais, que c'est quétaine de ça. On va passer la Saint-Jean. OK, parce que moi, j'ai pas compris que c'était quétaine. T'as pas compris ça? Hein? Ben trop tard. Pas encore bonne année, là. Steph. Bonne année. Ouais, bonne année. C'est quand même. Ah! Steph. Ah! Faites attention quand vous allez chez Subway. J'aime toujours faire le petit gag que les filles sont comme pas sûres en arrière du comptoir. Je dis tout le temps « sel poil ». Tu sais, quand tu le dis vite dans ta commande, moi, ça me fait vraiment très beaucoup rire parce que je suis seul ou presque, il sait que je le dis. Hein. Puis je dis sel, poil, vinaigrette, s'il vous plaît. Oh, wow. Vous écoutez lundi soir le matin, la chronique sur l'impro universitaire. Alors, cette semaine, j'ai pas eu le temps de m'entretenir avec l'étoile de l'arbitre, Jean-François Latour. La logistique était difficile, les joueurs étaient tous très occupés, et puis, eh bien, j'ai aussi consommé des quantités incroyables d'orangeade. Alors, j'étais excité. Je vous ai fait un petit montage photo rapide, alors, sur celle-là, Jean-François joue au ballon. Celle-là est bonne. Jean-François a un genre de casquette ironique. Et puis sur celle-là, j'étais pas supposé la mettre au début dans le montage, mais je me suis dit que on était tous des adultes majeurs et vaccinés. Alors, félicitations, Jean-François. Mon chum à Noël, il m'a acheté un petit R2-D2 et j'avais mis ça sur le dessus de la cuisinière. Mm-hmm. Mais tu sais, quand des fois tu mets ça sur la cuisinière, ben des fois la hotte, elle coule un peu, fait que ça a un petit peu de gras. Et là, je fais, oh non, tu sais, il y a du jus de hotte qui est tombé dessus. Et là, on a pensé à Jabba de hotte ben oui. Qui avait coulé sur R2-D2 et c'était comme, waouh, c'est tellement un chef-d'œuvre de blague. <C'est parfait. rire> C'est tellement involontaire, puis c'est dégueulasse du jus de hotte. J'ai chaud, j'ai froid, je sais pas ce qui se passe. C'est la ménopause. Ouais, je me ménopause pas. Hein? Commencement, ça? Non. Ça met la barre à l'endroit où c'est supposé aller. C'est là qu'avant notre barre. J'ai J'ai même un cue pour ce matin, arrête si ça donc t'intéresse. T'as un cue et fesses de fer, hein? Ça, c'est grâce à fesses de fer que t'as un cue. Fesses de fer. Ton entraînement de fesses. Non, ça, c'est plus un mélange de chocolat, de chips. Ça, c'est pour ça que j'ai un cue. OK, je te jugerai pas. Mais oui? Est-ce que tu me le dis, ton cue? Ça t'intéresse-tu? Est-ce que tu me le montres, ton cue? Non, mais je peux t'en parler. Ça, c'est du harcèlement sexuel quand même. La chair de poule qui fait augmenter la température corporelle. Faut peut-être demander à une poule c'est quoi ma température, faut qu'elle teste, et puis là ça commence à coûter cher la poule. T'sais. Allez. Oh! Boy! Oh là là là là! Ouais, c'est bon, on écrit ça quelque part. Mais ben, je t'entraîne. Les flamants sont blancs puis gris, on les appelle-tu quand même flamants roses? Si elle ferait des woks de viande de flamant, là, on pourrait appeler ça tout feu, tout flamant. Hein, Moins celle-là. Non. Ben, je sais pas. Je l'ai plus catché vite que l'autre. Ah. C'était plus facile, donc. Quand même. Je suis rendu difficile. Là. Ah ouais. J'ai en monté à bord, là. Mal, rendu, Vos confitures seront fermes, juste comme il faut. Pis ceux qui aiment les confitures, ben écoutez notre émission du midi, le dîner de confiture. Ça parle tout le temps de confiture. Sans arrêt. L'information Mauve et la pièce Ruelle sur leur nouvel album Le Fond du Soir, assemblage. Oh, j'aime ça, Mauve. Ah, c'est bon. Mauve. C'est pas ma c'est drôle que tu dises mon vieux, j'allais justement pour vrai faire le même gag. J'allais dire la même chose. Ah? Mauvais. Je pense qu'on est trop pareil. Non, c'est pas ça. C'est pour ça qu'on se tape les nerfs souvent. On a gardé Laurent Constantin. Oui. On le laisse plus partir. Non. On l'attache dès son arrivée. Ben, la porte est barrée, venez m'ouvrir. Il est un peu kinky, c'est pour ça qu'on le menote. Dès son arrivée en studio, il fait sa chronique les mains dans le dos. C'est tellement facile pour lui. Il est tellement naturel là-dedans, il fait ça les doigts dans le nez et les mains dans le dos en même temps. Ah, c'est pris qu'il est hot. Je sais pas comment il fait. Je sais pas tout ce qu'il peut faire avec ses doigts-là. Des doigts longs. Des doigts longs, t'as des doigts très... Ah, mais ça c'est bizarre, faut pas savoir. Merci Marie-Laurence Audet. Ça fait plaisir. Yeah, high five! Hop. C'est parce que t'étais tout seul, là. Ah, ça les gens le savent pas, il y a pas de... Le visuel n'est pas là. Nous avons maintenant un visuel. Tout le monde sur leur GPS peuvent te voir. Avec le micro magique, on peut tout voir ça. C'est vrai ça. Bon, merci Cindy Gilbert. Oui. Véronique Mire. Oui. Oui, toi Stéphanie Paradis. Oui. Toi Mathieu Plan. Mais... Non, toi Mathieu Plan. Oh oui. Oui. Yeah. Les meilleurs moments d'Assemblage Requis pour la semaine du 12 janvier 2015 avec une semaine de délai comme toujours. Écoutez Assemblage Requis du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30, toujours en direct à partir de 7h30. Je trouve que cette semaine-là était meilleure que la semaine d'avant, mais sûrement moins bonne que la semaine prochaine. Mais en fait, la semaine qu'on est en train de vivre en ce moment parce qu'il y a une semaine de délai, là, ça devient compliqué un peu pour rien, t'sais. N'est-ce pas Jean-Philippe Charbonneau? J'attendais que tu dises Jean-Philippe Charbonneau! Et Mathieu Plante! Oui, hey! Le duo est de retour. Et voilà, je suis de retour. Au point de sauvegarde, au point de sauvegarde, au milieu juste de l'émission. Start. Oui. Save and continue. Oui. Point j'ai fait mon... voyons. Quand t'arrives en retard, là, exprès, parce que... Ton fashionably late. Exactement le mot que je cherchais. C'est ça l'expression, hein? Oui. C'est moins rapport avec les jeux vidéo. T'aurais pu dire que tu préfères te faire un cheat code pour arriver au tableau du milieu. Oui, ou j'aurais pu dire tout simplement que mon serveur était pas assez puissant puis j'ai pas réussi à genre rentrer dans une game. Ça a lagué un peu. Oui, c'est ça exactement. Mon serveur est pas assez puissant. On t'appelle Jean Filag Jean Bonneau. Si mon serveur est pas assez puissant, peut-être que je pourrais donner quelque chose pour le... mettons un serveur pas puissant, impuissant. Ah ok. Sinon t'aurais pu dire aussi que tu y aurais donné plus de tips pour que ton serveur soit plus rapide. Serveur dans un serveur. Oui, exactement. Bon, nous revoilà, on a starté nos gags. Oui, on a rattrapé le temps perdu. On a remis la barre à bonne place. Exact. On était rendu au 8e place du côté anglophone, c'est Coco Méliès qui est stable avec Winter Glove sur l'album Lighthouse. À côté francophone également stable, Lubic avec Laisse-toi aller. Ben go! Faisons ça. Le palmarès c'est fou! Mon système va lâcher. Fait mise à jour de Windows 1. Démarre 3-4-12 fois. Comme le serveur. Ah ouais, c'est ça. Wow. Garçon! L'addition, s'il vous plaît! 1 plus 1. Wow. Je les comprends comme un délai. Comme les instants classiques. Ouais. Laisse-toi dans la zone 89.1. Huit. Winter Gloves de Coco Méliès, stable en 8e position anglophone. Également stable francophone, c'était Lubic avec Laisse-toi aller. Hey, toi, laisse-toi aller, toi, vas-y, comme yo, ça platine, c'est platine, tu sais, comme un DJ frais, tu sais, mettons. Là. En onde. Mettons en onde. DJ, yo, hit that shit up, pop up the volume. Mettons un DJ, hein. Oui. On parle de DJ-isme, mettons, des trucs de DJ. Nous autres, on a des disc jockeys. Oui. C'est comme sur un cheval, tigre-lo, pour faire la musique, comme les jockeys. Mettons qu'un DJ joue de la musique de club. Oui. De dance floor. Pump it up, you know? Pump ouais, up. Je comprends pas ce que tu veux dire, yo. Mettons qu'il fait YOLO. Yo. Mais mettons là, qu'il fait pas de. Il fait pas rouler de la musique de club pantoute. Lui, il fait pas rouler ça. Fait pas rouler ça, de la musique de club. Qu'est-ce qu'il fait jouer, tu penses? Fais-le toi-même. Je te laisse, celle-là. OK. Écoute, je la vois pas venir. Non. Je l'ai fait tantôt, Harold. Ah, je m'en souviens pas. Je t'ai laissé pour te donner le crédit un peu. Oh, merde. Ah, zut. Non, c'est pas un DJ de club. C'est un DJ BL, tu sais. Ah oui. C'est juste une coche avec un DJ club parce qu'il n'y a pas de dinde dedans. Ça ou un club sandwich, pain brun, pas de bacon. Oui, c'est donc un club plate en maudit. Ouais. Comme genre, nomme-moi un club plate, mais je connais pas ça. Un club plate? Tu veux pas faire de peine à nos clients potentiels. Oui, c'est ça, exactement. Le Monkey, parce qu'il est fermé. Oui, c'est bon ça. Un club plate. Ou sinon, tu sais, j'aurais, je serais allé dans un genre de club qui est fait sur le long. J'imagine vraiment un pain tranché sur le long, ok, oui. Comme pour les pains russes, genre avec le fromage. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, c'est pas bon, ça. Non, c'est moi, j'aime ça au bout. T'aimes ça? J'en achète souvent. Ah ben, oui? Souvent. Fréquemment. Ça m'est déjà arrivé. J'en ai déjà acheté un dans ma vie. OK. J'en achète souvent. On est passé de j'en achète souvent à j'en ai déjà acheté un dans c'est ma vie, un pain russe. Ça déjà arrivé, j'ai souvenir de ça. Comme la fameuse chanson, là, je me suis acheté un bon pain russe. C'est quoi la chanson? C'est la chanson que j'essaie toujours de te chanter puis que j'arrive jamais à te faire deviner. Celebration Good Times. Non, c'est pas ça. Écoute, moi je sais qu'on passe un bloc, je te trouve la chanson puis on va pouvoir en jouer un court extrait. Oh wow! Hey, on a la technologie pour ça. Oui, mais c'est parce que là je me laisse un bon 5 minutes pour essayer de retrouver la chanson. Un buffer, comme on l'appelle. Un buffer contre les vampires. Donc, position numéro 7 du côté anglophone, c'est Elephant Stone et Knock You From The Mountain qui montent de deux places. Nous, on reste stable côté francophone à 7e position également. Dumas avec Vaudou. Allez, vas-y DJ BLT. Spin that shit up. Si je deviens DJ un jour, je pense que je vais m'appeler BLT. Mais il va falloir que tu l'expliques à chaque fois. Parce que je suis pas un DJ de club. Oui, c'est ça. J'ai pas de cure-dents. Ouais, c'est ça. Je suis avec une poutine. We'll be right back. Elephant Stone and Knock You From Your Mountain. Position numéro 7, ça monte de 2 places sur l'album The Three Poisons. Et stable francophone du bas avec la chanson Voodoo. Wouhou, wouhou, voodoo. Alors quelques instants, c'était fou, mais avant ça, je pense que Jean-Philippe t'as quelque chose à nous offrir. Oui, je t'ai écrit une chanson, Mathieu. Est-ce que je te parle la musique? Oui, je vais essayer d'y aller, peu importe c'est où. Ok, parfait. Okay. Parce qu'on se rappelle qu'on a parlé du pain russe. Oui, pain russe. Que Mathieu... au fromage, là, recouvert de fromage. Certains appellent ça un pain sandwich. Moi, je trouve qu'un pain sandwich, c'est juste un pain sandwich. Ben, moi, ou du pain à sandwich. À sandwich, mettons, tranché. Je vais faire mes vocalises. Oui, vas-y, vas-y. Mais tu peux partir. Ouais, parti, mais tu peux embarquer quand ça te tente. Je le laisse aller. Bon. Quand tu le sens. C'est quand tu le sens. I feel it. Attends. Je me tiens... Oh, merde. Oh, tu sais qu'il n'y a pas de... Non, c'est pas grave. Je pensais pas que ça commençait là. Attends. C'est qui, c'est parti. Je m'appelle Mathieu Plante et puis des fois je mange. Attends. Puis... J'ai dit que... Elle dit qu'il y a de la pression, oui, mais ça n'a pas fait grand-chose que t'as de la pression, hein? Non, j'ai évacué à d'autres occupations. T'as évacué à d'autres choses. Mais en tout cas, bref, c'est, pendant le refrain, c'est supposé de dire « Je me suis acheté un pain russe. » Un bon pain russe. Un bon pain russe. OK. Voilà. Poum, petit poum, petit poum. Ah, heureusement que je suis pas chanteur. Je sais pas. Du pain russe. Tu vas juste dire pain russe à chaque phrase. Hein, oui, c'est ça. Attends, j'ai le verset avec les paroles si tu veux remplacer par pain russe à chaque fois. Je suis sûr que François Pain russe en ferait des meilleurs. Hey, c'est quoi, j'ai fait à l'8 l'autre fois. Hein? François Pain russe? Non, c'était pas à l'8. J'ai pas fait en nom, j'ai fait en ronde. Ah. Mais c'est, je la trouvais bien bonne. Elle est vraiment bonne. Mais celle-là, je te trouvais vraiment excellent. Okay. Je me suis rattrapé pour la piètre qualité de ma performance vocale. C'est sûr que c'est comme des frères jumeaux qui dit, mettons un frère jumeau qui dit à l'autre, hey, t'es vraiment beau. C'est, ça veut dire que je trouve aussi que je suis beau moi aussi. Oui, c'est ça. Je te dis que ton gag est vraiment excellent, c'est que c'est je trouve parce que mon gag est vraiment excellent. Mais bon. Oui. Bref, le clip de Joseph Edgar est bien beau. Sa toune, elle me tape ses nerfs, là, sans bon sens. Sans bon sens. Mais bon, il est bien chum avec tu sais quoi. Peut-être qu'il pourrait faire une pub pour la compagnie qui fait les pains russes. Il y a une compagnie qui fait les pains russes? Ben, sûrement. Les pains russes? Les pains russes. Ma pains russes, elle aime les pains russes. Ma pains russes. On dirait une toune normale à beau, genre. Ah, oui, c'est ça. Pains russes, j'aime les pains russes. Manger. Du pains russes. Avec ma pains russes, en écoutant du pains russes. C'est bon. Et puis tu peux la faire dans quatre langues. En quatre langues. Oui, mais parce qu'il chante dans plein de langues qui n'existent pas. Genre. Ah! Il dit qu'il chante en espagnol, mais c'est pas de l'espagnol. Ah, ok. Excuse-moi, j'ai jamais écouté cette chanson-là. J'ai comme un blocage par rapport à ça. Ah, je m'excuse. C'est ma faute. C'est comme la petite toune avec les chats, là, tu sais. C'est les chats qui miaulent de bleu, blanc, de nain, bleu de nain, c'est quoi? Là, blanc bonnet. Blanc bonnet, de nain, chat, quelque chose, là, tu sais. Là. Je t'appelle pas là, ça. Le groupe? Ouais, Jeans? Blue Jeans. Blue Jeans. Blue Jeans. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Blue Jeans. On n'entend plus parler d'eux? Non, je sais pas. Hein. Ça a pas passé le test, je pense, pour moi, ça, c'est cette affaire-là ici. Je voulais la trouver pour vous. Oui, oui, juste pour qu'on puisse en profiter un petit peu. Juste pour parler de chansons qui jouent apparemment peut-être à quelque part ailleurs puis que j'aime vraiment pas. On pourrait changer les paroles. Tu veux t'essayer? Non, je me souviens juste. Dans un parking de Sandachaud. Mange du pain russe. Où je suis vulnérable comme un bébé chaud. C'est ça. Dans un parking de Sandachaud. Mais là, on n'est pas à jour en faisant jouer ça parce que c'était là comme deux mois. Ouais, quand même. C'est le bloc, c'était fou. C'était fou. Ah, c'était fou il y a deux semaines. Ce qui nous amène à C'était fou. Mais pour vrai, non? Oui, pour vrai. Mais oui. On était rendu là. Là, on a arrêté de faire des jokes. C'est fini. Là, c'est sérieux. Fini. Et cette semaine, on recule à la semaine du 17 janvier 2011. Oh, c'est récent. Ben, oui. Close our spare into morning sun when the dots form in. C'était les numéros 1 francophones et anglophones, une pièce bonus de la semaine du 17 au 23 janvier 2011. On a débuté avec les numéros 1 francophones, Palache et Bouvier-Bernois sur l'album Panache. En numéro 1 anglophone, c'était Atomic Baobab, la formation locale, avec Cut It Up, un simple. On a terminé avec la pièce bonus qui provient d'un de mes albums préférés. C'est My Shepherd. L'album s'appelle Together, mais c'est la formation de New Pornographers. Vous les connaissez. Ils ont quitté les palmarès, c'est fou, cette semaine avec Dancehall Domini. C'est plus là, malheureusement. C'est parti. C'est parti. Mais voilà pour C'était Fou. Et c'est sur C'était Fou que se termine cette deuxième heure des palmarès. C'est fou. Oui. Ouais, on se revient. Tantôt avec le top 5. Oui, par exemple, on a sauté par-dessus la 6e place. Mathieu, en francophone, c'était stable. On a entendu Caravane avec Saint-Raymond. Et en anglophone, Brave Shores avec World Beneath the Sea. Et c'est cette pièce-là qui aura la priorité à toute fin parce qu'elle est neuve de la semaine passée. Voilà. Voilà, le top 5 au retour. Restez là. Vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou pour la semaine du 19 au 25 janvier 2015 et c'est la troisième heure. Lui, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Et lui, c'est Mathieu Plante. Que oui, c'est ta première heure où tu peux te présenter. Officiellement. On se présente parce que quand même. Hein? Mais oui. C'est l'heure complète ensemble. Oui, je suis là. Oui, c'est la portion top 5 de l'émission. On va savoir d'ici la fin si le numéro 1 anglophone est toujours Century Palm avec To The Ether. Et côté francophone, on va voir si notre numéro 1 est toujours le même avec Le Couleur, avec la chanson Concerto Rock. Ça, on ne saura pas tout de suite, mais pour Century Palm, je pense que tu as quelque chose à nous dire, Mathieu. Ça, on sait, c'est rendu en 5e place. Ça va être la 2e pièce qu'on va entendre dans un moment. Century Palm et To The Ether. Et qui fait un bond de géant qui passe de la 17e à la 5e place francophone. Les God Mashup avec le du Nintendo. Oh, palmarès, c'est fou! Ah ouais? Ah ouais? Hey, start, moi ça! Non, c'est pas bonne tune. Oui, ça bon. Non, je sais, mais... Ah, tu niaises. Tu niaises la semaine passée. Ah, oh, ben, mon tannant. Tu feras la semaine passée, tu la remets sous mon nez. Devant tout le monde. Mais je me rappelle quand j'étais jeune et que j'étais rempli d'espoir. Explique à toute ta main de l'alphone que j'étais parti pour la gloire. J'étais curieux. Fallait toujours en savoir plus. Je savais pas où je m'en allais, mais je suivais ceux qui le savaient. Je suis perdu dans les dédales de l'administration. Je pensais bien que j'étais un homme, mais j'étais encore un garçon. Mais je me rappelle quand j'étais jeune et que j'étais rempli d'espoir. L'esprit que tout avait dans le fun, que j'étais parti pour la gloire. J'étais parti pour la gloire. J'étais le king au Nintendo. On drivait ses Ninja Turtles. Le gros du baby, c'était Rambo. Sa collection de couteaux. En haut, en haut, en bas, en bas. À gauche, à droite. Au PA, PA, c'est l'exorce du million d'y accondra. Un million d'y accondra. Dans le cours d'école, c'est une autre affaire. Le Nintendo, c'était pas bien. M'enlevant ma calotte, qui me traitait de fif, il me smashait en face, le ballon rotatif. Mais aujourd'hui, on tout des petits. Dirais que juste moi qui en fais pas. Je suis toujours pas aussi que je vais. Mais j'aimerais bien savoir la Gaspésie. Bon ben, j'ai reçu par la poste un Tamagotchi. Est-ce quelqu'un qui pourrait m'aider, s'il vous plaît? Oh, j'étais le king au Nintendo. On drivait ses Ninja Turtles. Le gros du baby, c'était Rambo. Avec sa collection de couteaux. À gauche, à droite. OPA, OPA, c'est l'exarc. Un million d'y accondra. Un million d'y accondra. Oh, oh, oh. Formé To The Aether, lancé numéro 1, maintenant en 5e place anglophone. Et côté francophone, le bon de géant que je parlais avant, de l'écouter, de 17e à 5e, les gars de Mashup avec le King du Nintendo. C'est pas pire, ça, c'est pas mal, ça monte dans le sommet des scores là, sur la liste des meilleurs pointages. Puis leur premier extrait qui est paru sur notre palmarès a fait la même chose. Tout à fait, ça c'est le drug de la shop. Oui. Ça lui est allé directement dans les RPM les plus élevés. Bah oui, direct. Il s'est mis sur le neutre puis il a fait tatatatata. C'est ça, je connais plus les analogies de jeux vidéo que les analogies de char. Mais tu en es bien sorti. Ben merci, Colin, t'es ben trop fin. Du côté des 4e places maintenant en anglophone, c'est Return for Refund avec TV Light qui monte de 11 places, donc de la 15e à la 4e. Et on a des bonbons. On fait des bonbons, t'as pas dessus. Ah ouais, j'ai un truc pas de vite puis des bons. Ah ouais. Francophone qui passe de la 13e à la 4e place, c'est Guillaume Beauregard avec Entre les mots et les actes. Puis si vous restez là, moi le bonbon que je vous offre, oh, c'est la section ailleurs dans les palmarès. Oh, coquin. Puis le bonbon, je pense plus la chanson qu'on chante pour aller avec. Ouais, je pense que oui. C'est pas mal ça. Vert d'oreille. La musique du monde. La musique cloud. Mais la chanson t'aime. Bon, oui. Entre les chandelles et la misère en vrac, je longerai toute ma vie les couloirs dans un magasin à une pièce. Entre un miracle et un désastre, entre le sommeil et la cour à scrap, je longerai toute ma vie. Dans l'ombre et la noirceur opaque. Thank you. Furry Fun et TV Light. Ça monte de 11 places en 4e position anglophone. Et 4e position francophone, ça passe de la 13e. C'est Guillaume Beauregard avec Entre les mots et les actes. Tout à l'heure, les deux Luxe et Lisa Leblanc. Mais avant ça, c'est ailleurs dans les palmarès. Ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ailleurs dans les palmarès, ça se passe ailleurs dans les palmarès. C'est ailleurs, bitch. C'est ailleurs dans les palmarès, la section de l'émission où on regarde ce qui se passe ailleurs dans les palmarès, parce que les palmarès, c'est fou, c'est plus que seulement un top 1 francophone, un top 1 anglophone, n'est-ce pas, JP? Exactement, Mathieu, c'est également un top 30 des albums, un top 3 des 10 canadiens, un top 10 loud et un top 5 musique du monde. Commençons par le top 30 des albums. En nouvelle entrée, on fait en 5. Dans le top 30, dans le top 30, voyons. En 19e place, c'est Napalm Palm avec leur album The Unconditional Love of Napalm Palm. Pomme. Ça, c'est dur. En 8e, Viet Cong et Viet Cong. En 17e, Chris Burkitt et Be Creative. En 16e, Bell and Sebastian avec Girls in Peace Time. Colin. Ah! Ça a tout brisé le beat, ça, mais ça a vraiment... Ouais. Non, le beat est encore là en arrière. Oui, oh! Et en 15e place, King Gizzard and the Lizard Wizard avec I'm in Your Mind Fuzz. Et tout, c'est, tout ça, là, tout ce que je viens de nommer là, c'était aussi des nouvelles entrées dans le top 20 anglophone. Donc, Ah, yeah. Ben oui, tout simplement. C'est juste ça. Ah, facilement. Et dans le top 3 du top 30 des albums, on retrouve en 3e position, ça passe de la 5e, Lisa Leblanc, avec son album Highway, It Touches, and the Time Well Waste. J'ai-tu bien dit? Oui, Wasted, je pense. Wasted, ouais. Puis Heartaches. Heart. Ouais. Ah bon, en tout cas, c'est ça. Bug. Puis qui fait un autre bord de géant. La 18e place à la 2e. OK Go avec Hungry Ghost. Et puis la première place cette semaine, ça passe de la 4e. C'est The Season avec l'album Pulp. Pulp. On t'en tiendra pas rigueur, JP. Non, merci. Bon, en tout cas, son album anglophone, vous pouvez demander ça à votre disquaire préféré. Tu sais, là, Lisa Leblanc, là, tu sais. Tu sais, là, son album anglophone. T'as caisse, là, oui, c'est ça. Dans le top 3 des tickets canadiens, en 3e place, c'est Return for Refund avec Return for Refund qui monte de la place. Le oh yeah est tellement le fun que je veux l'écouter. Ça. En 2e place, ça monte de 3, Lisa Leblanc avec Highways, pas tant de trucs à gosse. Et en 1ère place, ça monte de 1, c'est The Seasons et Pulp. Et voilà. On a également top 10 loud. Mathieu, on a deux nouvelles entrées. C'est bien trop vrai, ça. Visigoth est en 10e avec The Revenant King. Et en 9e place, c'est l'album Poisoned Altars par Lord Dying. Dans le top 3 du top 10 loud, notre ancien numéro 1 qui tombe à la 3e place, UDO. J'imagine, ouais, UDO. Oh, UDO, ouais. Avec l'album Decadent. On a notre ancien numéro 3 qui est rendu numéro 2 avec Ni Obliscaris. Obliscaris, ouais, c'est ça, avec Citadel. Et notre ancien numéro 2 qui est maintenant numéro 1 at the gates, c'est at War with Reality. À chaque semaine, tu me demandes si UDO, ça se prononce UDO, j'en ai aucune idée, mais on s'en sort pour ça que c'est ça. Je pense que j'ai été traumatisé par Kepler. Kepler avec son copé à l'air. Copé à l'air. Donc, on l'a eu en quiz, c'est fou pour une activité ici qui a lieu à l'UQTR, le carnaval étudiant. C'est et là puis, il y a quelqu'un, ouais, qui a dit oui, la réponse c'est copé à l'air. Et moi, très fièrement, de crier ça se prononce Kepler! J'avais fait mes recherches. Mais ouais, ben en effet, c'était la référence lors mais de cette j'ai tout simplement pas fait de recherche sur UDO. Ben non. Peut-être qu'il prononce UDO. You know what I'm saying. You know. Il nous reste le top 5 musique du monde. Je m'occupe de la nouvelle entrée. C'est c'est la pièce Vartam Jotod par Susanna sur l'album Bana Vagabond Songs. Et dans le top 3, dans le fond, top 3, on a le numéro 3 qui est notre ancien numéro 2, Mardi Gras feat Jacobus, c'est de Pierre Quenders. On a qui monte d'une place. On a Bella Fleck et Abigail Wasbourne avec l'album What You Gonna Do. Et notre numéro 1, c'est Erad avec l'album Fauché. Voilà. Tu vois, tu pensais que j'en aurais plus que toi et qu'on serait pas safe et pas égal. Maman, il y en a deux plus que moi. Ben oui. Finalement, je les ai toutes laissées. Tu vois ce que ça donne. Je t'ai laissé, j'ai pris les nouvelles entrées et je t'ai toutes laissées le reste. Ah, ben c'est ça. C'est pas ça qu'il fallait qu'on fasse. C'est ça que ça donne. C'est ça. Ah, ouais, tu sois content, tu sois fier. Ah, j'en suis très fier. T'es comme l'enfant gâté. Oui, cool. Pour accompagner cette section ailleurs dans les palmarès, je vous ai choisi un extrait du Top Loud. C'est Visigoth qui est en nouvelle entrée en 10e place. L'album s'appelle The Revenant King et on écoute l'extrait Dungeon Master. Je veux un autre extrait. Non, c'est celui que je te donne. L'autre, j'ai écouté et il était ben trop intense pour nous autres. Ok, c'est bon. On aurait vraiment pas aimé ça. Je te fais confiance. C'est là correct. Ouais, ouais. Écoutons du loud un peu. Ailleurs dans les palmarès, c'est fou. Dungeon Master de Visigoth avec leur album The Revenant King qui vient d'entrer en 10e place du palmarès Loud. Du Loud. Dans la section ailleurs dans les palmarès. J'essaie de faire comme oh yeah. Ooh, du Loud. Ça s'en vient si on continue quelques secondes encore, il va en avoir un petit peu. Ça s'en vient. Ça va être là, ça va être là, ça va être là. 3, 2, 1. Oh wow! Hein? Du Loud. Du Loud. Yeah. Donc voilà pour ailleurs dans les palmarès, on fait ça comme ça dans la troisième heure des palmarès. C'est fou et maintenant c'est le moment de retourner à nos deux top 20. Du côté anglophone, le numéro 3 c'est Lisa Leblanc avec Goldhagen Hoedown qui monte de deux places. Et qui monte de la 12e pour passer à la troisième place francophone, les Deluxe avec Les Mauvais Garçons. Hey, c'est nous autres ça? Les Deluxe? Non, Les Mauvais Garçons. Pizza Deluxe. Ça c'est du poulet dessus je pense. Ah hein? Oh, je sais pas, non? Mais tout le monde a sa recette. Il y a juste la pepperoni fromage qui bouge pas vraiment. Traditionnellement, je pense pas mal du pepperoni fromage. Ouais. Ouais. T'as fou de viande, là. T'as plus de la saucisse dedans. Ouais. C'est du bacon. Ouais. Pizza au bacon, surprenamment, c'est vraiment bon. Oh, moi, il me faut dans ma pizza des oignons. OK. Et du bacon. Quand je prends une pizza spéciale, mettons, c'est bacon et oignons. Et oignons. Que ça? Hein? Ben, avec la sauce tomate puis fromage. Oui, c'est vraiment. Pepperoni. Est-ce que c'est comme ça que tu la demandes? Genre, oignon bacon? Là? Non, souvent, il y a une oignon bacon. Je pense, c'est-tu la spéciale du chef ou la spéciale avec le nom du restaurant dedans? Des fois, c'est bacon, oignon. OK. Genre, des fois, j'aime bien ça. Mm. Ah ouais. Mm-hmm. Ah, miam, miam. Tu donnes faim pas mal, toi, là? Ah, moi aussi, je suis en train de saliver, là. Oh. J'ai même les joues qui. Très mal un petit peu aux joues, là. Ouais, veux-tu un autre oyer? Je recule, là. Un petit peu. Ouais. Ouais, je te repars, je te repars. Ah ouais, hein? Ah ouais. Un autre, hein? Un dernier. Ok. Donc, on était rendu aux deux. C'est-tu le bruit que tu fais après avoir mangé ta pizza? Oh yeah! Les palmarès, c'est fou! Ah, c'est ça que t'écoutes. C'est ça que pourquoi? Blanc et Golding and Hold Down. Ça monte de deux places en troisième position anglophone. Et qui passe de la 12e à la 3e francophone, les Deluxe avec les Mauvais Garçons. Hey! Hey! Tantôt, on va revenir avec les positions numéro 2. Hey! Hey! Mais avant ça, hey! Hey! On va écouter ça. Ben ça, là, puis tout, là, puis ouais. Le reste qui est après, puis tout ça. Moi, je vais être attentif. OK, écoute bien. Tu me poseras une question à la fin. C'est bon, en revenant. Vous êtes dans la zone 89.1. Toujours au palmarès, c'est fou. Avant la pause, on s'était dit qu'il fallait que je te pose une question sur le bloc pub. Mais oui, je sais pas dans quoi qu'on s'est embarqué. Selon toi, à ton avis de professionnel de C'est fou, quelle piste de publicité avons-nous entendu? La 7. C'était la 11! Désolé! Ah, mais j'étais dans le chiffre impair. Oui, tout à fait. Donc un demi-point. Un demi-point pour le chiffre impair, bravo. Bravo, JP. Merci. On était rendu au prochain numéro 2 du compteur le fun, c'est OK Go avec Obsession qui monte de 11 places. Qui monte de 2 places, c'est Fanny Bloom avec Blanc. Bah, ben, Caroline, on l'écoute. C'était un blanc! C'était un blanc de silence radio. Oui! <Ouais. rire> Ça n'est pas l'air assez fou. Je me demandais ce qui se passait, puis je me demandais pourquoi tu paniquais pas. On parle tout le temps dans sa première toune. Oui, Caroline. Je m'excuse, Fanny. Panic Bloom, Panny Bloom. Panny Bloom. Une panne pizza. Je te dirais, sois prudent. Mon amour à moi est grand. Si la maison brûle, dans mes rêves souvent, c'est parce que j'ai peur pour toi. Tu as encore peur de moi. Pourtant j'ai tout repeint en blanc et j'ai ouvert la fenêtre. Je t'attends, je suis fatiguée. Tout est A look so quick, a movement so slight, you could almost imagine it didn't just happen. But everything will change in just one look, one little glance. It's not passing fascination now, it's obsession. It's obsession. It's obsession. It's obsession. It's obsession. It's obsession. It's obsession. It's obsession. It's obsession. It's obsession. C'est parce que j'ai... on va raconter le blanc. Ok, go avec Obsession qui monte de 11 places en deuxième position anglophone. Je suis tout mêlé. qui monte de 2 places, donc de la 4e à la 2e. Fanny Bloom, l'extrait que vous avez entendu, c'est la chanson blanc. Il y a une tuque en studio sur la table depuis comme 3 semaines, 1 mois. Une ouais. tuque bleue avec des rayures grises et bleues. Je suis vraiment en train de me casser la tête à savoir si c'est toi qui avais fait la gag. J'ai dit, au ménage du printemps, la tuque va prendre le bord, tu créeras pas ça. Ah, c'est ça. Fait que là, toi, t'as dit, hey, attends, faut que je pense à une blague. J'en ai une. Là, j'ai raconté une anecdote, puis c'était quoi ta blague? Hey, Mathieu, j'en ai vraiment une bonne. C'est quoi? Tu créeras pas ça. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais. Qui l'avait sorti en premier? Je dirais moi. Je l'ai même noté sur ma feuille. Oui. Tuc créera pas ça. Il est écrit juste ici, là. La preuve tangible sur papier. Tuc. Attends, faut que je la note. Puis il fait une feuille de papier, puis achète à vous mettre. Voilà, donc pour le numéro 2, il nous reste pas le numéro 1, JP. C'est pour ça qu'on s'est mis dans le mood des jeux de mots. Oui, on a commencé ça. Bien sûr, ça commence à, ça nous en met déjà là, plein la vue. C'est haut en couleur. Oui, c'est comme une rockstar qui préparait ses textes ou ce qui ferait ses vocalises. Mi-mi-mi-mi-mi. Nous, c'est comme genre patate poêle, des jeux de mots, tu sais, genre quelque chose comme ça. Ouais. Pour faire notre concerto de blagues, si on veut. Hein? Si on le désire. Si on le désire. Si on est si tendre et doux envers l'un l'autre. ouais, c'est ça. C'est comme ça que les choses se passent dans nos têtes quand on fait des blagues. Peu importe, c'est comme un pneu 4 saisons. Hein, c'est, c'est ça, peu importe la saison. L'hiver, mettons, on va glisser un peu comme un. Comme on glisserait, comme mettons une paille glisserait bien dans un verre de jus d'orange à cause des pulpes. tu comprends des pulpes. Oui, moi je comprends tout. Je comprends tout. Explique-nous ça mieux. Je comprends tout, mais c'est parce que j'ai les réponses en dessous des yeux. Comme le personnage de Disney, la réponse. Hein? Tu sais, réponse, c'est Rapunzel. Ah, c'est oui. Long cheveux longs. Oui, ben oui. Ça fait un malaise, je trouve. Oui, vraiment. Puis en plus, la musique. Au bon moment. Au bon moment. Oui. J'adore ça quand ça fait ça. Oui, moi aussi. J'en provoque des fois. Ouais. Ah. Donc, ce que vous auriez dû comprendre, c'est que notre numéro 1 est le même que la semaine passée. Donc, c'est Le Couleur avec Concerto Rock. C'est tiré de l'album Dolce Désir. Très bon jeu de mots, Mathieu. Merci beaucoup. Tu as réussi à te renouveler et non recycler. C'est vrai. À te renouveler par rapport à la semaine passée. J'essaie de ne pas faire les mêmes blagues deux fois, mais tu m'as aidé un petit peu là-dedans. Oh, on a travaillé. Et puis, qui passe de la deuxième position pour atteindre notre sommet anglophone, c'est The Season avec The Way It Goes. C'est tiré de l'album Pulp. Ouais. On est comme ça, les numéros 1 tout de suite, puis après ça, on va avoir le temps juste un petit peu pour une dernière pièce, je pense, pour se quitter. On va être bien tête. Bien tête, ça. Moi, check mon bananette. Ah ouais, je te... Tu créeras pas ça. Elle est bonne. Elle est bonne. Je vais la faire en venant. position numéro 1 du côté francophone, la couleur avec Concerto Rock qui est stable. On va se quitter avec le numéro 1 anglophone cette semaine pour faire changement de la formule habituelle. Ben oui, soyons fous. On va écouter The Seasons avec The Way It Goes. Ça s'en vient dans quelques instants. Le temps de vous dire qu'on est de retour la semaine prochaine, toujours les mercredis, entre 15h et 18h. Restez avec nous parce que Audiomatique commence dans quelques instants. C'est émission de musique électronique. Ensuite, Les Audacieuses à 19h. On repasse les vendredis entre 17h et 20h. Après nous, c'est Les Bonnets Rouges et Skypunka. Et finalement, les dimanches entre midi et 15h. Allez voir cifou.ca pour la programmation complète et assemblagerequis.com pour les notes de l'émission Les Balados Diffusion. Yes! Merci Jean-Philippe Charbonneau. Merci Mathieu. À la semaine prochaine, je ferai la totale. Pour toute l'émission complète? Ouais. Mais ça se peut pas, ça? Ah ouais, là, j'avais bien commencé l'année. Ouais, jusqu'à maintenant, l'année 2015, deux émissions. T'as bien fait ça. Hey, on a des contenders, des participants clés là, pour le titre de l'épisode. Est-ce qu'on met DJ Club et DJ BLT? Ah ouais, j'aime vraiment celle-là. Ça serveur planté, ben, c'est plus le. Ouais. Ton serveur d'ordinateur. Ou tu créeras pas ça. Moi, je pense que j'y vais avec le Club Sandwich. Club Sandwich et DJ Club et DJ BLT. DJ BLT. Bon, à la semaine prochaine, JP. Pour vous, ce soir. Pour vous, mesdames. Au revoir. Salut. Première position.